De la chronique de Tabari. Volume 1. Enoch, ou Idris, que la paix soit sur lui, était prophète, revêtu du caractère d'apôtre. Hors de son temps, tous les hommes étaient adorateurs du feu, car Iblis, ou Satan, que Dieu le maudisse, avait trompé Caïn, et lorsque le Très-Haut Dieu béni envoya Enoch vers ses frères, ils ne lui obéirent pas. Or Enoch, que la paix soit sur lui, leur lisait des livres, et ces livres étaient les livres d'Abraham, que la paix soit sur lui. Avec ces livres, il appela les hommes à Dieu. On dit que pendant 10 ans environ il ne se coucha jamais la nuit, et qu'au lieu de dormir il priait et lisait les livres d'Abraham. Or le premier homme qui après Adam, plaça le roseau sur le papier pour écrire, fut Enoch. Il savait coudre et faire le métier de tailleur. Il fut le premier qui introduisit l'usage de tailler et de coudre les vêtements, et il était très habile dans tous ses ouvrages. De son temps les hommes jetaient les peaux sur leur corps, quant à la laine, ils en faisaient une espèce de feutre et s'en couvraient. Ils ne savaient pas ce que sont les chemises et les caleçons. Or Enoch, que la paix soit sur lui, commença à couper les peaux et à en faire des chemises et des caleçons cousus. Ce fut lui qui introduisit dans le monde l'usage de tailler et de coudre les habits. Avec tout cela, Enoch était nuit et jour constamment occupé à adorer et à servir le Dieu Très-Haut. Or, après qu'Enoch eut passé tout ce temps-là en adoration, l'ange de la mort désira se lier d'amitié avec lui. Il alla donc sous une forme humaine vers Enoch, se montra à lui et lui dit « Je suis l'ange de la mort. Je désire me lier d'amitié avec toi, à cause de la grandeur du culte que tu as rendu à Dieu. Et il te faut me faire une demande à laquelle il me soit possible de satisfaire. » Enoch dit à l'ange de la mort « La demande que j'ai à te faire est que tu m'enlèves mon âme. Je ne suis pas venu pour cela, ta vie n'a pas encore atteint son terme, » lui répondit l'ange de la mort. « C'est bien, mais enlève-moi et mon âme pour quelques moments, et ensuite s'il me reste du temps à vivre encore, le haut Dieu incomparable me la rendra. » Je ne puis faire ce que tu me demandes sans ordre du puissant Dieu incomparable. » Ensuite, l'ange de la mort présenta à Dieu la demande d'Enoch. Le puissant Dieu incomparable connaissait parfaitement le but qu'avait Enoch en faisant cette demande. Il exauça sa prière et dit à l'ange de la mort, « Accorde à mon servant la demande qu'il t'a faite. » Cela était des miracles que le miséricordieux fit en faveur d'Enoch. Israël, l'ange de la mort, enleva l'âme d'Enoch, et au même instant le puissant Dieu incomparable la rendit à ce dernier. Il le laissa jouir ensuite du temps qui lui resta à vivre. Après cela, Enoch se remit à servir et à adorer le Très-Haut Dieu, et l'ange de la mort devint son ami, et alla souvent le visiter. Les années passèrent, ensuite Enoch dit un jour à l'ange de la mort, « Ô mon ami, j'ai encore une demande à te faire. Si je puis te l'accorder, je le ferai volontiers. Il faut que tu me montres l'enfer, car j'ai subi la mort, et l'âme que j'ai doit rester avec moi. Maintenant je puis voir l'enfer. Je ne puis pas faire ce que tu me demandes sans ordre du puissant Dieu incomparable. » Ensuite il exposa au puissant Dieu incomparable la demande d'Enoch. Le Très-Haut Dieu répondit, « Accorde à mon servant la demande qu'il t'a faite. » Cela est encore un des miracles que le miséricordieux fit en faveur d'Enoch. L'ange de la mort enleva Enoch et lui montra les 7 étages de l'enfer, un à un. Il lui fit voir, dans chaque étage, les châtiments infligés à chaque classe de pécheurs. Ensuite, il le remit à l'endroit où il l'avait pris. Enoch dit à l'ange de la mort, « J'ai une autre demande à te faire. Pourrais-tu encore me l'accorder? Quelle est cette demande? Il faut que tu me montres le paradis de Dieu, comme tu m'as montré l'enfer. Je ne puis faire ce que tu me demandes sans ordre du puissant Dieu incomparable. » Il s'adresse ensuite à Dieu comme il l'avait déjà fait les autres fois. Le Très-Haut Dieu lui dit, « Accorde à mon servant la demande qu'il t'a faite. » L'ange porta Enoch dans le paradis. Lorsqu'ils furent arrivés à la porte du paradis, le chérubin Van ne les laissa pas entrer, et se mêlait aux habitants du paradis. Et il dit à Enoch, « Tu es homme, et quelconque homme ne peut pas entrer dans le paradis avant d'avoir subi la mort. On m'a fait subir la mort et mon âme m'a quitté. L'âme que j'ai maintenant doit rester éternellement avec moi, car Dieu, que son nom soit glorifié, m'a ressuscité. L'ange de la mort rendit témoignage à la vérité des paroles d'Enoch. Ridvan se laissa toucher et dit : Je ne puis rien faire sans ordre du puissant Dieu incomparable. L'ordre arriva à Ridvan de la part de Dieu, dont la gloire est infinie, d'ouvrir la porte du paradis et d'y laisser entrer Enoch. Toutes ces choses sont du nombre des miracles de Dieu en faveur d'Enoch. Avant que l'ange de la mort et Enoch entrent dans le paradis, Ridvan dit à ce prophète : Le temps maintenant n'est pas encore venu de venir entrer dans le paradis, tant que les créatures n'auront pas été réunies au lieu du dernier jugement. Il ne sera pas possible d'entrer dans le paradis. Cependant, entre, vois le paradis, mais ensuite tu en sortiras. Oui, je ferai comme tu me l'ordonnes. La première fois qu'Enoch entra dans le paradis, il y demeura quelque temps. Mais il sortit à cause de la condition qu'il avait faite avec Ridvan. Cette seconde fois, il dit à Ridvan : Oh Ridvan, j'ai laissé quelque chose dans le paradis. Il revint sur ses pas et voulut entrer de nouveau dans le paradis, mais Ridvan lui dit : Je ne permettrai pas l'entrée dans le paradis. Une dispute s'éleva entre Ridvan et Enoch, que la paix soit sur lui. Je suis un prophète. Le Très-Haut-Dieu m'a envoyé 30 livres, je les ai tous écrits, et jusqu'à présent je ne me suis pas révolté contre le puissant Dieu incomparable, dit Enoch. Dans ces livres que le Très-Haut-Dieu m'a envoyés, il m'a promis le paradis. S'il faut avoir éprouvé la mort, je l'ai éprouvé. Et Dieu, dont la gloire est infinie, m'a ressuscité. S'il faut avoir vu l'enfer, je l'ai vu. Maintenant je suis venu dans le paradis, car il est ma demeure. Le Très-Haut-Dieu, loué à jamais, me l'a promis. Et maintenant que je suis entré, je ne sortirai pas. Enoch eut avec Ridvan plusieurs paroles à ce sujet jusqu'à ce que l'ordre du puissant Dieu incomparable arrive. Alors Ridvan ne s'opposa plus à l'entrée d'Enoch, que la paix soit sur lui. Ce prophète resta dans le paradis où il est maintenant. Enoch eut un fils nommé Mathusalem. Lorsque ce fils sut que son père était pour toujours dans le paradis, il se mit à la souveraineté de la face de la terre, il appela les hommes à Dieu et il fit renoncer un grand nombre de personnes à l'adoration du feu. Mathusalem pratiqua la royauté pendant 900 ans, et il eut un fils qu'il nomma Lamech. La vie de Lamech fut de 702 ans, il mourut après ce temps. Lamech laissa un fils appelé Noé à qui le Dieu Très-Haut accorda le don de prophétie. Du temps de Noé, chaque homme suivait une religion différente. Les uns adoraient le feu, les autres adoraient les idoles. Entre Noé et Enoch, que la paix soit sur lui, il s'écoula 1700 ans.